Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue de Electric Shock, de votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous? J'imagine que vous êtes chez vous, confortablement installé dans votre fauteuil pour écouter votre émission préférée avec de la musique qui va vous décrasser les oreilles, comme toutes les semaines d'ailleurs. On aura des nouveautés au nombre de 4 cette semaine, bien sûr. Et aussi, bon, je ne l'avais pas annoncé la semaine dernière parce que ça s'est fait un petit peu de façon impromptue. Mais ce soir, j'ai un invité, puisque bah, vous savez que tous les ans, à peu près à cette époque-ci, au mois d'octobre, nous avons maintenant un rendez-vous incontournable, qui est le Salon du Disque et de la BD, qui, normalement, cette année, devrait avoir lieu, je pense, sans trop de difficultés, étant donné quand même le contexte sanitaire quand même nettement meilleur que l'année dernière. Donc c'est pour ça, Roger, le disquaire bien connu de Planète Claire et également organisateur, m'a fait l'amitié de venir ce soir. Salut Roger, comment vas-tu? Salut Christophe, impeccable. Je suis ravi que tu sois là. Comme je le disais à l'instant, j'espère que cette année, ça, il y aura pas de soucis. Enfin, non, je pense tout roule. Disons qu'on a une solution en plus, c'est qu'il y a beaucoup de gens vaccinés et ça élimine déjà du virus qui circule moins. Donc les conditions sanitaires sont pas les mêmes. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais à l'instant. Donc normalement, il y a pas trop de péril dans la demeure, disons. Enfin, touchons du bois, comme on dit. Ça peut des fois aller très très vite. Voilà. Surtout que tu m'avais porté malchance aussi, puisque à l'issue de la dernière émission que nous avions fait l'année dernière, Electric Shock a été en sommeil pendant 8 mois. Ah oui, en effet. Oui, la dernière. C'était la dernière de 2020, et après on a repris donc fin juin, quand les conditions ont pu permettre quand même un retour à une vie à peu près normale. Donc nous allons parler tout au long de l'émission donc du salon, des nouveautés qu'il y aura à ce salon par rapport à il y a 2 ans maintenant, et les adaptations de que la condition sanitaire, bien sûr, oblige de faire. Par contre, est-ce que tu es prêt pour 2 heures de métal? Toujours, hein. Le métal, toutes les musiques sont les bienvenues. Absolument. Comme à mon salon. Et bien sûr. On va commencer avec le premier morceau de ce soir. Ça va être une nouveauté. C'est le live de Gamma Ray, qui s'appelle 30 Years of Amazing Awesomeness. Pour les 30 ans donc du groupe Gamma Ray, le groupe de Kay Hansen. Alors c'est un live, qui m'a quelque peu déçu. On trouve en CD, DVD évidemment. Parce que bon, je m'attendais à un véritable concert. Seulement ça a été enregistré au mois d'août l'année dernière, donc en pleine pandémie. Alors ça fait bizarre de voir un groupe évoluer sur une scène, avec tout le jeu d'éclairage. Et ça là-dessus, il y a la totale, hein, il y a pas à dire. Mais il y a aucune réaction de public, rien du tout. Et du coup, je trouve que l'interprétation s'en ressent, parce que quelque part, ça manque de niaque. On a l'impression de voir le groupe en répète, même si le groupe a un jeu de scène qui disent entre les morceaux merci, parce que bon, comme c'est un streaming, ils voient peut-être les gens qui sont derrière leur écran ou autre. Mais enfin, c'est une drôle d'atmosphère quand même. Et donc aussi une setlist un petit peu étrange aussi, même s'il y a quelques classiques. Et ce qui a fait plaisir aussi, c'est quand même le retour de Ralph Shepherds, le chanteur des 3 premiers albums, qui vient faire un petit coucou sur quelques morceaux. Enfin bref, et puis comme on sait que Gamma Ray, je pense qu'ils sont pas prêts de nous ressortir quelque chose, puisque Kay Hansen maintenant a rejoint Helloween à plein temps. Donc on va se contenter de ce live pour un petit moment. Tout de suite, extrait donc d'un classique, Death Throne, Tyranny. Illumina. avant, Gamma Ray avec New World Order, Deflon, Tyranny, la petite intro, Induction. Donc tout ça, c'est extrait du dernier live, la sortie au mois de septembre. 30 Years of Amazing Awesomeness, donc pour les 30 ans de la création du groupe de Kai Hansen. Ça va, Roger, après cette petite déflagration? Ah, c'est super, hein, t'as bien débouché les oreilles, là. Hein. Impeccable. Alors que le salon, c'est où et quand? Alors, c'est le dimanche 24 octobre, là, dans 10 jours, et c'est au Chapiteau. C'est sur le site du Stade de la Vallée, c'est juste limite entre Fleury-les-Aubrais et Orléans. Donc, comme il y a 2 ans, quoi. Voilà, exactement. Ça n'a pas bougé, et comme ça aurait dû l'être l'année dernière. Aussi. Les horaires, c'est toujours les mêmes, enfin? Oui, oui, à 9h30 le matin, l'ouverture au public, et puis jusqu'à 17h30. Donc, c'est pas la peine de venir à 17h, 17h15, hein. Ça se clôt et puis il y a des gens peut-être qui commencent un peu à ranger. Peut-être que ça va être un petit peu plus calme dans le rangement, un petit peu moins rapide dans le sens où on change pas d'heure cette année. Oui, c'est vrai que c'est 8 jours après. Donc au moins on est tranquille sur ça. C'est un bon plan aussi, oui. Oui. Et justement avec les conditions sanitaires, est-ce qu'il faut un pass sanitaire qui a besoin de quelque chose pour... Oui, c'est marqué sur l'affiche, on nous l'a imposé, il faut le pass sanitaire. Donc il y aura un QR code à l'entrée et donc faut être à jour ou alors un test PCR je crois moins de 48 heures je crois. Voilà. Et puis il faut aussi son masque. On nous a demandé que à l'intérieur, on ait notre masque. Voilà, je pense que c'est très important de le dire et de le répéter parce que... Oui, oui, parce qu'après, une fois qu'on a passé cette légère barrière, mais existante, après, c'est la grande liberté. Les livres, les bandes dessinées, les mangas, la musique, CD, DVD, du vinyle, à tout, à volonté. Donc, le grand pied, quoi. Ouais, comme toujours, ce que je dis à chaque fois, c'est... À la fois pour trouver un CD, par exemple, à 3-4 euros pour compléter une collection, aussi bien que de trouver un disque rare à un collecteur. Oui, voilà, oui, c'est, voilà, hein. C'est au choix, quoi. Mais des fois, les exposants n'ont pas toujours tout sur place. C'est vrai que les collecteurs, ils les amènent les trucs très très chers. J'appelle peut-être des pièces à 1000, 2000 euros, où il y a peut-être des gens aussi qui ont des disques d'or, des choses comme ça, quoi. Et puis, c'est des fois aussi un moyen de prendre contact directement. Ah oui, bien sûr. La personne te dit, bah non, j'ai pas ça, par contre, tenez, voilà ma carte, appelez-moi. Oui, parce qu'il y a encore des disquaires qui peuvent pas amener tout, hein. Donc, ils savent ce qu'ils ont dans leur stock ou à leur boutique, quoi. On continue? Ah oui, vas-y. Eh bien, on va se faire du Made in France, là, avec un groupe qui nous vient de Strasbourg. Et. Qu'on a toujours suivi dans Electric Shock et surtout même Radio Arc-en-Ciel puisque Fred avait découvert déjà à l'époque en 95 dès le premier album. Donc depuis les débuts de leur carrière discographique, il y en a toujours eu sur Radio Arc-en-Ciel de Downright Malice. Et puis, bah, comme je l'avais raconté il y a quelque temps aussi, je connaissais déjà avant même que le groupe existe. Enfin, je te raconterai ça hors antenne. Donc on va revenir avec leur dernier album qui est sorti au mois de juin, Mechanica Temporis, et qui a été vraiment une agréable surprise pour moi, même si j'avais bien aimé les précédents. Je dois avouer que ça fait partie de mon deuxième coup de cœur de la rentrée, après avec le Iron Maiden. C'est pour dire quand même que... Donc mélange de thrash, de death et d'indus. Le morceau de ce soir est à l'image du titre en latin, Maleus Maleficum. Est-ce que ça a un rapport avec les prêtres en ce moment et ce qui s'y passe? Wait and see. Donc... Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez bien Electric Shock, l'émission qui grille les neurones. On s'en est bien grillé quelques-uns avec cette petite doublette Made in France. À l'instant, Exhorted, groupe qui nous vient de Besançon, et son premier album All Bastards Never Die. Vous avez eu God Is Mine pour vos esgourdes adorées. Et juste avant, les Strasbourgeois de Dan Wright Mullis. Enfin, non, pas Strasbourgeois, qu'est-ce que je dis? J'ai tendance à dire que dès que c'est alsacien, c'est Strasbourg. En fait, ils sont plutôt de Mulhouse. Ma géographie laisse à désirer quand même. Donc là, c'est une Malleus Maleficum, extrait de Mechanica Temporis, qui est un des coups de cœur de l'émission depuis pour la rentrée. Tiens, au fait, Roger, j'ai une question à te poser aussi. Du fait maintenant du pass sanitaire et tout ça, est-ce qu'il y a toujours une restauration Oui, on a le droit à notre buvette habituelle. L'année dernière, c'était pas sûr avant que ça soit annulé, mais là, on nous a fait aucun grief. Juste quand on est assis à quelques tables, faut être au moins un mètre l'un de l'autre, et en général, faut mettre debout, aller manger. Comme on peut, quoi. Mais non, il n'y a pas de souci, on peut faire des cafés le matin, café, chocolat, thé, et puis le midi, ou des petites confiseries, on a droit pratiquement à ce qu'on veut, D'accord, donc sans condition particulière, parce que on aurait pu vous dire, vous faites ça à l'extérieur de... Non, oui, ça aurait pu, ça s'est fait sur certains salons, quand c'était un peu vraiment dans le dur, mais bon, il n'y avait pas beaucoup... Mais au sortir, mais là, non. Après, faut dire que notre cuisine, elle est à part presque du bâtiment. Il y a personne qui peut y aller, hormis deux, trois de mes bénévoles, quoi. On continue? Je vois que tu as survécu à Exhorted et Dan Wright, donc... J'ai survécu à pire. Hein, oui, c'est, je à pire, façon de dire. Hein. Non, ça me gêne pas. J'en ai vu, que ça soit à l'Astrolabe ou des fois, je me souviens aussi, à Saint-Jean-de-la-Ruelle... quand il y avait les concerts Fuck Em All ou des choses comme ça, c'était bien virulent pour les oreilles, quoi. Oui. Là, c'est un peu plus soft. On va passer au dernier album solo de Mark Tremonti, donc le guitariste d'Alter Bridge et de Creed. Ça te dit quelque chose, Creed? Tu as dû en vendre quand même pas mal, ça, Creed. Ça avait bien marché. Fin à une époque, 90, oui, bien sûr. 90. Oui, oui. Et maintenant, donc, en fait, le monsieur, il a une carrière remplie, parce que son groupe principal, c'est Alter Bridge, qui marche quand même pas mal. De temps en temps, ils reforment Creed, ils refont des concerts un petit peu nostalgiques, entre guillemets, quoi, pour jouer les vieux classiques. S'amuse. Et en même temps, monsieur a une carrière solo, où il chante et joue de la guitare. Et là, c'est déjà son cinquième album, quand même, depuis 2002, qui s'appelle Marching in Time. Et le morceau qu'on va se mettre maintenant, c'est Now and Forever. ça c'est bon ça. Ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas passé, mais on ne l'a pas oublié pour un instant. Le moment, c'était Mammoth WVH. Donc c'est le projet du fils d'Eddie Van Halen, ça. C'est pas mal, hein? Ben déjà, ouais, ça, c'est comme quoi le temps y passe. Hein. Ouais, ouais. Et c'est vraiment c'est un album solo, puisqu'il a tout fait sur l'album. Guitare, basse, batterie, tout ce que tu entends, c'est lui tout seul. Ah ben, il y a des musiciens, hein? Ah oui, et ce que je trouve, il a eu l'intelligence, lui, de faire quelque chose de complètement différent de ce que faisait son père, quoi. Parce qu'on aurait pu dire, oh, bah, il va refaire comme son père faisait, bah, ils aiment du big rock comme ouais. ça, et en fait... Ils aiment bien amener leurs idées aussi, c'est... quoi. Voilà. Je trouve ça, au contraire, très intéressant. Et oui. Mammoth WVH, ça marche très très fort aux States. Hein. L'album se vend très bien, comme des petits pains. Enfin, maintenant, tout est relatif par rapport... Oui. Sûr. Quand on en vend, je ne sais pas, aux États-Unis, quand on en vend 1 million au lieu de 5 millions, c'est déjà pas mal. Ça, c'est clair. Ouais. Et juste avant, c'était Tremonti avec son album solo Marching in Time, Now and Forever. Et pour la petite histoire, Wolfgang Van Halen, donc le fiston VH, il a joué avec Mark Tremonti entre 2012 et 2016 où il tenait la basse. Voilà, pour l'anecdote. À l'école. Et voilà, et bonne école aussi. Et donc, ce qui va suivre, c'est une deuxième nouveauté. Bah, c'est un groupe que tu connais, hein, Roger, hein, que tu as déjà dû voir en concert, puisqu'il s'agit d'un album de The Lords of Altamont. Ah oui, deux fois. Une fois ici, une fois au Cosmic Trip à Bourges. Et donc, The Lords of Altamont, finalement, ça existe depuis quasiment 20 ans. Ah oui, longtemps, oui. Et là, je crois que j'ai regardé, c'est déjà leur septième album qui est sorti là au printemps dernier. Et il a été chroniqué dans des magazines de hard, c'est la première fois d'ailleurs. C'est marrant ça. Et du coup, j'ai voulu jeter une oreille sur cet album qui, je pense, est peut-être un peu plus péchu que les précédents quand même. Une pochette par contre, ressemblant comme deux gouttes d'eau à Vencebus Eruptum de Blue Cheer. Hein. Oui, exactement. Donc déjà, quand on voit ça, on sait à quoi s'attendre musicalement. Hein. Ah ben c'est des gros fans de cette époque. Hein. Ah oui, bon, ça c'est flagrant. Quoi. Oui. Donc on va découvrir cet album qui s'appelle Turn In, Tune In, Electrify et Burn Me Out tout de suite, maintenant. Yeah! in his crib. The shady wore a bib, and the posse wasn't even alive. Shock rock, chopping block, songs to make your heart stop, and shove it into overdrive. Playing loud and fast, make that guitar blast. Playing like today will be your last. L'as-tu reconnu ? Monsieur Vincent Furnier ? Bravo ! J'ai cherché au début, je me dis, c'est une voix... ça me faisait penser à Steve Bators un peu, Lords of the New Church, des morceaux assez raides. Ou alors un peu New York Dolls, mais New York Dolls, c'est une voix légèrement plus plus gentille. Mais je me suis dit, c'est riche comme ça. Puis de ce coup, j'ai eu le flash, je me suis dit, oui, Alice Cooper, sans souci. Mais elle a toujours la pêche, hein, le vieil Alice. Hein. Ouais, c'est incroyable. Hein. Puis les concerts, toujours, les clients me racontent, à chaque fois qu'ils le voient, c'est toujours théâtral, enfin, c'est son truc. Oui, toujours, mais... Oui, oui. On dirait que le temps n'a pas de prise sur lui. Oui, c'est ça. Il y a, quand on le voyait déjà il y a une trentaine d'années, il faisait marquer, mais depuis, il n'a pas bougé. Ben voilà. Et il est immortel. Gloire à Alice. Exactement. Donc c'était un extrait de son dernier album Detroit Stories qui est sorti là, en début d'année 2021. Et c'est le morceau, c'était Detroit City 2021. Et avant, bah, ça t'a plu aussi, ça j'imagine, hein, le morceau. Ça m'a pas déplu, oui, oui, je suis pas un grand fan de Lord of Tamon. J'aime bien quand tu faisais la reprise du MC5, là, et puis quelques morceaux. Mais c'est vrai que je suis pas... je déteste pas. Hein. Tu te rappelles, tu m'as vendu les deux premiers il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Exactement, oui, oui, on s'est aidé, c'est vrai, je me souviens. Donc c'était le morceau Burn Me Out, extrait donc du dernier album là, qui est sorti au printemps, Turn On, Tune In, Electrify. Et bien maintenant, on va faire de la série Faisons du Neuf avec du Vieux. Et on va revenir donc à la réédition de l'album noir ou album éponyme de Metallica, sorti maintenant il y a déjà 30 ans. Comme le temps passe vite, hein. Oui, bah, je me souviens avoir vendu les premiers en 1985. Metallica? Oui. 83 même. Oui, oui. Enfin, disons que c'était en import à l'époque. Oui, voilà, je vendais des pressages américains. Oui, oui, ça était déjà, mais quand je tenais une boutique de métal à Paris, à un moment, c'était Metallica. Fallait faire chauffer les amplis avant de commencer. Et en 91, ça a été l'album là qui les a vraiment fait exploser auprès du grand public et d'incontournables du hard rock. Ils sont devenus quasiment incontournables de la scène rock, avec un grand R, on peut dire, avec cet album-là. Et du coup, ils l'ont réédité pour les 30 ans, bien sûr, en version remasterisée. Donc, il existe aussi un superbe coffret avec plein d'inédits, des lives, des démos, plein de choses et autres. Et il existe aussi une version alternative en 3 CD qui contient donc l'album remasterisé, un CD avec plein d'extraits live et aussi des extraits de démos qui permettent un petit peu de juger un petit peu le process d'écriture. Ben, on va revenir plutôt au CD d'écriture, donc Riff Demos and Rough Mixes. Et on va se passer donc le premier riff d'Enter Sandman lorsqu'il a été écrit par Kirk Hammett, enregistré comme ça à la va-vite dans un coin. Et après, il y a une version presque définitive puisque c'était un rough mix enregistré au mois de mai 91. Comme quoi, vraiment, là, c'était vraiment incessamment tout peu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tout d'abord, on va commencer avec donc le riff de départ. Comme ça, vous allez pouvoir comparer. Sandman with solo number one. We'll be right back. Il est 20h passé de 2 minutes sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, la première heure d'Electric Shock vient de s'achever à l'instant avec une version démo de Sad But True de Metallica, donc sur la réédition du Black Album pour les 30 ans d'existence. Avant cette version démo, vous avez eu donc une version quasiment prémixée du Enter Sandman, et juste encore avant, le riff de départ du premier jet de Kirk Hammett. C'est marrant d'écouter ce genre de truc, hein. De voir l'évolution d'un petit truc, et ce que ça devient au fur et à mesure. Et combien d'exposants, tiens, y aura-t-il cette année Une soixantaine en tout, pour dans les 45 en disque divers, et puis une 10-15 en bande dessinée, quoi, et mangas. Donc à peu près comme d'habitude, quoi. Oui. Bon, de toute façon, on a la même place, le même métrage. On a un peu plus d'espace avec les conditions, mais c'est un peu le même. Parce qu'il faut que tout le monde travaille, quoi. Hein. C'est sûr, hein, je pourrais remplir le chapiteau de 5000 m2, hein, ça me soucierait pas. Hein, mais bon, après, pour la ville d'Orléans, il y a pas de le potentiel est pas forcément extensible, toujours pas, quoi. On se maintient bien, mais ça a du mal à être au-dessus, quoi. Enfin bon, vaut mieux tenir que guérir, courir, quoi. Ah oui, non, mais c'est bien comme ça, hein, quand on a un millier de personnes. C'est déjà dense, hein, le matin, au bout d'une heure, et demie, tout le monde est dans le guidon, là, hein, c'est super. Bon, moi, c'est le seul jour où j'ai pas de stand, hein, comme j'organise, je m'occupe un petit peu de toutes sortes, avec mon associé, mais c'est vrai que c'est dense, c'est bien, les gens se précipitent de toutes sortes, on voit des gens partir avec des piles de vinyle, enfin, surtout de bande dessinée, les piles. Et puis après, ben, comme l'année dernière, on nous a dit qu'il y avait pas trop de mangas, mais moi je sais qu'il y a eu des affaires de fête dès le matin, parce que c'est vrai que ça prend de plus en plus. Alors j'espère que les vendeurs en amèneront plus encore, et que ça disparaîtra pas trop vite pour que tout le monde en profite. Un peu de musique ? Toujours de la musique, hein, c'est notre vie. Absolument. On va revenir au nouvel album. Bah, tiens, quelqu'un que tu connais, peut-être t'as entendu parler, Pat Homey. Ça me dit quelque chose, mais j'ai pas dû entendre encore. Pourtant, c'est un gars qui a fait plein de trucs. Il a commencé, parce que tiens, on parlait de ça, de ta carrière de vendeur de disques de métal d'une célèbre enseigne parisienne qui n'existe plus, malheureusement. Oui, c'était dans les premiers. Hein. Et Pat Homey s'est fait connaître dans les années 80 d'un groupe français qui s'appelait Marienthal. Ah oui, ça, je me souviens. Oui, il n'y a pas eu grand chose, mais oui. Je crois juste eu un album. Et depuis, bah, il a pas mal roulé sa bosse, et c'est comme il est franco-irlandais. C'est clair que les racines irlandaises se ressentent, beaucoup de celtiques. Il a beaucoup tourné avec Alan Stivell, entre autres. D'accord. Il a fait des trucs avec Dan Arbraz aussi. Il a fait beaucoup de choses comme ça, quoi. Il a appris à jouer bien aussi, techniquement, et toutes sortes. Ça lui a fait voir autre chose, quoi. Ouais. Et depuis ses albums solo, ça le fait penser un petit peu à Gary Moore, ce genre de choses. Bon, le seul reproche que j'y ferais, c'est que je trouve que la voix, elle est pas à l'avenant, quoi. Il chante pas mal, mais avec un vrai bon super chanteur, ça donnerait une autre dimension, quoi. Ou alors, faut qu'il apprenne à chanter encore plus. Des fois, je le dis à certains chanteurs de groupes locaux ou quoi, allez voir quelqu'un qui vous apprenne à chanter, pour le souffle, tout ça, parce qu'après, il y a des choses qu'on soupçonne pas forcément. Quand je dis ça, je suis dur, parce qu'en fait, il chante bien, il chante juste ou autre, mais simplement avec un chanteur qui aurait plus de tessiture, je pense que ça porterait autre chose. Musique peut-être pourrait. La production, non ? Voilà, non, la production sur l'album ne m'a pas choqué, loin de là du tout. Enfin, ceci dit, je serais incapable de faire le tiers de ce qu'il fait, donc, comme on dit, l'arrêt aisé. Même pas le dixième. La critique est facile et. Oui. donc, on va faire un extrait de ce. C'est pas son dernier, c'est son nouvel album, et c'est son premier album concept. Donc c'est un mélange entre Matrix et Tommy, quoi. Voilà. Qui s'appelle donc Welcome to a New World, et le morceau qu'on va se mettre maintenant, c'est We Can Hear You Calling. Zdravo bez lica. Došlo je vreme da se oslobodiš svojih strahova. We'll Morceau un petit peu bizarroïde, mais bon, après tout, le nouvel album, c'est un concept, donc en fait, il faut prendre chaque morceau comme une partie d'un seul morceau, donc voilà. Cette partie, donc, c'était We Can Hear You Calling, extrait de Welcome to a New World. Le dernier album est de Pat O'May, un album concept. On va se refaire une nouveauté, la troisième, là, on va faire un petit tour du côté de Marseille, Putain Kong. Et oui, parce que bon, Marseille, c'est pas spécellement une ville métal. Enfin, disons, quand on pense métal, on pense pas spécialement à Marseille, en fait. Oui, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait penser métal en France? Oui, après tout, oui, c'est... Voilà, oui, quoi. Oui. Donc, avec un nouveau groupe qui s'appelle Spirit Bomb. Alors, Spirit Bomb, pourtant, ils existent quand même déjà depuis 2015, mais ils ont bien mûri leur truc avant de sortir. Alors, c'est un mélange, en fait, ils veulent faire un mélange de rock et de BD. Donc là, il y a l'album, il devrait y avoir une BD qui va suivre, là, donc, au printemps 2022. Tiens, justement, tu parlais en BD. Donc, tu sais qu'il va y avoir une quinzaine d'exposants BD au salon? Ah oui, oui, oui. En plus, par rapport au disque, la bande dessinée, c'est des plus grands stands en général. Hein. Bon, il y a des petits, mais il y a plusieurs gros stands. Ça prend beaucoup de place. Hein. C'est un peu proportionnel au livre. La lecture elle reste plus importante que l'écoute disque, quoi, en tout temps. Mais oui, oui, c'est génial. Ça prend beaucoup de place. Et est-ce qu'il y a des auteurs qui viennent dédicacer cette année? Bah là, on attendait. Sinon, on a notre ami Will Argunas qui va venir, parce que c'était pas sûr, mais là, il m'a rappelé. Et donc, oui. Puis après, il y a le fanzine local, là, le Cacophage, avec plusieurs personnes qui viendront présenter leur dernier numéro qui sort là. Et puis, normalement, on a deux ou trois, mais on n'a pas les réponses pour le moment. Donc, bon, il y a encore un peu de temps, comme on est mardi. On serait mardi dans 8 jours, je t'aurais dit, quoi. Voilà. Oui, parce que n'oubliez pas, on parle du salon du disque, mais là, il n'aura pas lieu ce week-end, c'est le week-end prochain, oui, c'est dimanche 24. Octobre. Et puis, vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je vous ferai une petite piqûre de rappel pour ça aussi. Donc, Spirit Bomb, musicalement, c'est un mélange de Led Zeppelin, Rage Against the Machine, un peu Gorillaz aussi, avec un côté très rock. J'ai trouvé ça assez sympa, quand même. Donc, cet album s'appelle Tight, et on va se découvrir avec le morceau Take It. This is yours, this is mine. All the gold I take to mine. Digging up from the ground. What we need is what we have. For the sake of the old. Yeah. Tarahou, groupe franco-américain, Tarahou avec un point d'interrogation important, avec leur premier album Supposedly a Man, et c'était le morceau Bad Time. Et juste avant Tarahou, c'était un groupe de Marseille qui s'appelle Spirit Bomb, donc qui vient de sortir son premier album Tight, et vous avez eu droit au morceau Take It, et c'était donc la troisième nouveauté de la soirée. C'était sympa, assez rock et tout. Oui, c'est un peu speed, mais c'est... Oui. Oh, ben là, on va se faire un classique du rock. On va revenir au live de Deep Purple, Live in London 2002, qui est sorti au mois d'août. Là. Deep Purple nous ressort toujours des lives. Ouais, il y a de quoi faire. Ils ont dû en enregistrer. Oh là là. Et d'ailleurs, un nouvel album devrait sortir là au mois de novembre. C'est ce qu'ils avaient parlé. Ouais. Et ce sera un album de reprises. Ah, c'est marrant, ouais. Des reprises de quoi Alors, je crois qu'il y a les reprises des Yardbirds, je sais plus quoi. Enfin, j'ai regardé ça. Enfin, un petit peu surprenant quand même, des choses... Plutôt 60s alors? Ah oui, très 60s, oui. Ouais, bon, de toute façon, oui. Ils ont commencé 60s, hein, le premier album. Oui, même le deuxième, c'est assez psyché à leur manière. D'ailleurs, il y avait beaucoup de reprises sur ces deux premiers albums, d'ailleurs. Moitié-moitié. Beaucoup de groupes commencent comme ça, à l'époque. Du moment qu'elles sont bien senties. Donc là, à suivre, quoi. Donc, puisque en fait, compte, le dernier album date de août de l'année dernière. Puis comme ils n'ont pas pu tourner, je pense qu'ils ont dû vouloir ronger leurs freins et que ça devait les démanger. Ils ont dû se dire, bon, plutôt que de rester là comme des cons, autant faire quelque chose et se faire plaisir à prendre des morceaux de la jeunesse. Et là, on va donc faire un petit tour en 2002 et puis on va se faire un petit Black Knight. Ça fait toujours du bien. C'est tout. Je crois que Deep Purple, on peut dire que c'est un groupe indémodable. Oui, c'est exactement. I'd like to tell you about this next one, but honestly, Roger and I had a talk the other day, and we haven't got a clue what it's about, so, you may know. We'll Tiens, je vais te faire travailler un petit peu, Roger. C'était quoi à l'instant? Deep Purple. Oui. Quel morceau? Black Knight. Bravo. Donc, extrait du Live in London 2002, la sortie au mois d'août, tout chaud, tout bouillant. Donc, pour patienter la sortie, avant la sortie donc, du futur album de reprise, fin novembre, normalement, si tout va bien. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils peuvent reprendre, oui, oui. Moi, je suis curieux d'entendre comment ça peut sonner à la sauce purple, effectivement. Ouais. Parce que j'ai vu des titres, ça devrait être intéressant, comme toujours. On va changer de registre, on va passer à un groupe que je vous ai présenté il y a quelques semaines, un groupe de metal gothique qui s'appelle Unto Others, dont c'est le premier album Strained. Et sur cet album, il y a une reprise très réussie du Health is for Children de Pat Benatar. Marrant. Bah, c'est le morceau qu'on a choisi ce soir. petit tour aux USA avec Poppy Vol et leur dernier album Versatile. Là, c'était le morceau Stronger, The Time Is Now. Juste avant, Made in USA aussi, mais de Portland, le premier album de Unto Other Strength avec la reprise de Pat Benatar, Hell Is For Children. Elle était sympa, la reprise, hein? Oui, c'est sympa, ça rappelle les souvenirs. C'est clair. Et il est 20h43 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, on attaque vraiment le dernier quart d'heure de l'émission. On va se faire une nouveauté, la quatrième et la dernière. Ça se trouve, c'est quelque chose que t'as vendu lors de tes folles années, au moment où tu étais vendeur métal dans une grande boutique parisienne, avec un groupe anglais qui s'appelait Sacrilège. Ah oui, bien sûr. Ah, je... Oui, au tout début. Voilà, ouais, tout à fait. Donc Sacrilège était un groupe plutôt punk hardcore à ses débuts, qui a évolué vers le thrash avec son deuxième album qui était sorti en 87, Within the Prophecy, et qui avait été signé sur Music for Nations à l'époque, le gros, qui était le gros label indépendant. Oui, oui. Et là est sorti, là, vraiment tout chaud, tout bouillant, il y a quoi, 8 jours à tout casser, un live enregistré à Leeds, comme les Who, mais en 86, donc à l'époque charnière des deux, on y trouve donc des titres du premier album Behind the Realms of Madness qui était sorti un an avant. Alors musicalement, on peut dire que c'est un peu, ça fait penser à Discharge, Crass un peu, ce genre de groupe aussi. C'est speedy. Et avec, comme c'est une chanteuse, on pourrait penser aussi un peu du Plasmatics avec un son métal. Donc on va se faire deux petits extraits donc du ce Live at Leeds 1986 qui est tout chaud, tout bouillant, qui est sorti ben, donc vendredi. Comme quoi, ben, c'est difficile de faire plus chaud. Hein. Oui. Tout d'abord, At Death's Doors. We'll be right back. que c'est. Ça fait des crasses vraiment les oreilles. Je sais pas s'il te reste encore un peu de cérumen, Roger. Et m'en font encore 6 minutes. Oui, mais là ça a bien décrassé. Hein. Donc oui. On a eu 2 petits extraits du Live at Leeds 1986 de ce groupe culte qui était Sacrilège, groupe de trash des années 80, groupe à chanteuse, parce que c'était quand même assez rare dans ce style musical quand même à l'époque, pour le signaler. Bon, je crois qu'on a le temps de se faire un petit morceau avant de se dire au revoir. Bien sûr, hein. Ouais. Largement. On va continuer avec encore du méchant. On va se faire un petit peu du premier album de Ara Nangmar, qui est un groupe de black metal italien. Et on va se faire un petit extrait de Black Cosmic Elements, qui est leur album. Et on va terminer donc avec Serpents of the Black Sun. Et c'est avec cette petite douceur donc qu'est Serpents of the Black Sun, extrait de Black Cosmic Element d'Aaron Angmark, Electric Shock se termine. Merci Roger, encore une fois, d'être venu. Merci aussi Christophe. Donc on va rappeler que le salon du disque, c'est dimanche 24. 24 octobre, voilà. Au chapiteau, donc à côté du stade de la Vallée. Oui, alors l'entrée c'est 3€, et puis les étudiants c'est gratuit s'ils ont leur carte d'étudiant, et puis c'est gratuit aussi au moins de 16 ans. Un truc pour passer plus vite, si vous avez la monnaie des 3€, vous rentrerez encore plus vite. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, préparer de la monnaie donc voilà. D'ici dimanche prochain. Et pas oublier le pass sanitaire. Ah oui, voilà, c'est très important, oui, on ne répète jamais assez. Pour pouvoir rentrer. Et donc à partir de 9h30. Hein, 9h30 au public, voilà. Jusqu'à 17h, je crois. Oui. Voilà. Donc si vous venez à 16h45, prenez-en vous en cas vous que juste, vous ne trouvez pas. Faudra vous dépêcher. Hein. À 17h30, on ferme les portes, quoi. Oui, oui. Eh bien, merci encore à toi d'être venu. Merci aussi. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On aura encore des nouveautés à vous présenter, bien sûr. Et puis, vous en faites pas, je vous ferai aussi une petite piqûre de rappel pour dimanche, pour pas vous oublier qu'il y a le salon dimanche 24. Merci encore, Roger. À bientôt. Salut à tous.